Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une session électro exclusive donc à l'internet au podcast de l'émission Label Rock. Sébastien Agas au pilotage ce soir avec beaucoup d'électro à l'honneur, un petit peu tout ce qu'on n'a pas l'habitude de passer ou le temps surtout de passer dans l'émission Label Rock. Je vous le case ce soir dans un podcast avec beaucoup de nouveautés. Donc je vous le disais, électro, ça ira de l'électronica à la house en passant par le dubstep, sans oublier non plus la techno. Tout ça est pendant plus d'une heure 40. C'est parti donc pour ce podcast électro session janvier 2011. Label Rock. Isn't a necessity. activity isn't an activity. Have a look around you. Open your eyes and see. Remember the noisy past. Remember our child. It was like all the others, except that it couldn't talk. Change the faces of the world. Change the ways to open eyes. Change the faces of the world. Change the ways to open eyes. Forever you told me. Forever you dreamed it. And love is not an error. We'll be right back.

label rock. Hey, hey, hey. À l'honneur dans ce podcast session électro de Label Rock janvier 2011. Diverses formes d'électro dans cette session spéciale avec de l'électronica pour commencer cette session avec R.E.D. et Ben Gesserit, notamment son titre de 1984 Mikey Please, redécouvert grâce à la compilation de Minimal Tapes qui est parue l'an dernier chez Stone Throw. Et puis juste après, on a gentiment basculé vers le dubstep avec Benga pour commencer, suivi de Rusko, de Scream, ainsi qu'une énorme nouveauté signée Magnetic Man. Et puis juste à l'instant, là en ce moment, Ramadan Man, une des plus belles surprises de 2010. Voilà, un gros talent électro a confirmé donc en 2011 cette année. On va continuer en partant progressivement vers la techno, celle que j'aime, c'est-à-dire efficace mais aussi inventive et surtout remplie d'âme. On y va avec SCB pour commencer, un remix signé VIP, et puis on enchaînera avec Thalidomide, Davide Scuiace, les Latin Lovers et DJ Wadi. Vous écoutez une session électro exclusive de Label Rock.

We'll be right back. Yeah. Label Rock, session électro, session spéciale podcast avec la house music à l'honneur dans Label Rock, donc avec des titres pour commencer du barcelonais David Squillace, mais aussi les Latin Lovers et puis le producteur électro colombien DJ Wadi, et un remix à l'instant du tube de Donna Summer signé Winter Gordon. On va continuer cette session Label Rock Electro Mix avec Faïs, Loco Dice, Maya Jane Coles, avant de redescendre sur Terre et quitter le dance floor avec Agoria, Groove Assassin et un titre franchement mortel de Chimera. I think. Hustle. Pay attention. Definition. We eat. We feed. We make money. Hustle. Definition. We make money. Hustle. Pay attention. Definition. We eat. Definition. Pay attention. Definition.

de mes morceaux préférés de la techno, comme je l'aime, hein, je vous disais, inventive, originale, remplie d'âme et forcément efficace. L'Irlandais à l'instant, DJ producteur Chimera, remixé par le Funk Devoid, hein, un artiste anglais qui, je crois, vit du côté de Barcelone. Voilà, magnifique disque donc pour finir cette session. Je vous retrouverai probablement le mois prochain dans une autre session, un autre mix. En attendant, comme d'habitude, soyez sages, mais pas trop. C'était La Belle Rock, spécial podcast avec Sébastien Agas. Ciao tout le monde. La Belle Rock, deux heures de son pas comme les autres.